à la vie. J'ai rien compris mais je suis toujours là. J'ai beau écrire des textes, je passerai jamais dans le journal. Mes rêves sont effondrés, à quoi bon sert d'y croire? Redescends sur terre, c'est ce que me disait la prof d'histoire. Putain, c'est véridique, j'ai pas trop d'espoir. Je suis un mec qui a de l'avenir, mais ça c'est ce que je vous laisse croire. Je suis pas un mec qui passe au bout scalpé. Juste un gars qui arrêtera pas le rap même avec la bouche scalpée. Tu vois qui je suis, un mec qui a arrêté la guerre. Même si le son purée, tu peux pas dire que c'est de la merde. En vrai je répète en clair, mon ancien faut que je l'enterre. Ça va faire mal, vous l'avez dit les gars, me traitez pas de menteur. La tête entre les mains, je sais même plus où me placer. Le rap me joue des tours, je crois que je vais finir par me casser. J'oublie mes paroles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Tantôt tu peux dire ce que tu veux, mais j'ai toujours été modeste. Cours, ça y est ton son c'est cassé. Ton délit dépassé, c'est véridique, t'es castré. Bouh, un son de fou t'abandonne. Tu connais pas Poli qui t'ont dit non, tu déconnes. Cours, ça y est ton son c'est cassé. Ton délit dépassé, c'est véridique, t'es castré. Bouh, un son de fou t'abandonne. Tu connais pas Poli qui t'ont dit non, tu déconnes. J'en ai fini de dormir, maintenant je me lève du bon pied. 1, 2, 3, j'espère que les autres seront prêts. J'attends le succès, je ne suis pas en suqué. Si j'ai pas percé, cousin, c'est parce qu'on me l'a empêché. Ça sort de ma tête, mais j'essaye d'avancer. Alors je fais la fête et l'instru vient te l'annoncer. J'suis difficile à battre et beaucoup de gens le savent. Mon son est impeccable et j'aimerais que tout le monde le sache. Tu voulais pas d'insultes, eh ben voilà t'es servi. C'est vrai mon son il tue, mais j'ai pas besoin de tes services. On m'a promis un tas de trucs et plein d'astuces à l'actu. J'ai que mon art tue, mais j'ai pas tu. Entends-tu que j'suis têtu, puis j'décapsule sans capuche. J'suis vêtu de pique comme un cactus. Alors tu vois j'ai que la musique et ça me détend. Après tout ça poteau, j'ai plus qu'à appuyer sur la détente. Cours, ça y est ton son c'est cassé, ton délit dépassé, c'est véridique, t'es castré. Bouh, un son de fou t'abandonne. Tu connais pas Poli qui t'ont dit non, tu déconnes. Cours, ça y est ton son c'est cassé, ton délit dépassé, c'est véridique, t'es castré. Bouh, un son de fou t'abandonne. Tu connais pas Poli qui t'ont dit non, tu déconnes. La tête est vide, j'ai craqué le beat, ça va faire mal, je vous l'avais dit. Moi c'est prolique, en vrai je suis clean. Dédicace au petit midi, je prends plus de retard, ça c'est fini. Alors écoute, j'envoie mes rimes, je suis pas une star, au moins je l'ai dit, je me compare pas à Jacques Méry. Des joints par centaines, j'ai fait un son sans thème. Si le son te plaît, c'est grâce à moi, j'ai pas eu d'entraide. Laissez vos critiques sur le son et franchement, ça m'aidera. C'est devenu chaud, moi c'est brolique et personne m'arrêtera. Bientôt, j'ai un site, mais j'avance qu'à petits pas. Si tu kiffes le son, dis-le, fais pas le mec, applaudis pas. Hardcore, mélancolique, ben moi j'ai fait les deux. Si j'ai percé par bonheur, ça serait pas en suçant les queues. Paraît qu'à des prods, ça écrase les petits microbes. Si tu varies pas les prods, face ses journées à l'école, il se fait tard. Maintenant mes rimes se sont forgées, à force j'ai une envie de percer, ça sans forcer. Cours, ça y est ton son c'est cassé. Ton délit dépassé, c'est véridique, t'es castré. Bouh, un son de fou t'abandonne. Tu connais pas Poli qui t'ont dit non, tu déconnes. Cours, ça y est ton son c'est cassé. Ton délit dépassé, c'est véridique, t'es castré. Bouh, un son de fou t'abandonne. Tu connais pas